Section 72 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 16. Quatrième partie. Les Osmanslis en Europe. Suite. Par Alfred Rambaud. Conflit entre l'Empire Osmanli et l'Empire Mongol. Bataille d'Angora. Le progrès des Ottomans en Asie avait marché du même pas que leur progrès en Europe. Des 9 principautés seldjoukides, Ourkan et Mourad Ier en avaient assujetti 3. À la nouvelle de la mort de Mourad, les 6 autres principautés formèrent une ligue contre son successeur. Il suffit que Bayezid apparût à Brousse pour qu'elle se dissipât. La prise de Philadelphie sur les Grecs, 1391, avait entraîné la chute de l'émirat d'Aïdin. Ceux de Saroukan, Menteché, Tchéké furent conquis. Bayezid attaqua le prince de Karamani, Ali Beg, prit Konya, sa capitale, le rejeta dans la Cilicie pétrée, ne lui accorda la paix que moyennant la cession de ses meilleures provinces. Il acheva de dépouiller son beau-père, Yacoub, prince de Kermian, et l'emmena prisonnier. En 1392, Ali Beg, qui avait ressaisi les armes, fut battu dans la plaine d'Akhchaï, près de Konya, pris et mis à mort. Depuis peu s'était élevée une principauté nouvelle. Dans les provinces de Sivas, Tokat et Kayr-Saresh, Césarée, un certain Ahmed Burhan el-Din, dit le Cadi, l'avait fondée à l'aide de quelques bandes tatars et turcomanes. Elle pouvait déjà mettre en campagne 20 ou 30 000 hommes. Bayezid ne lui laissa pas le temps de grandir. Il chassa le Cadi, mit la main sur Sivas, Kayr-Saresh, Tokat et Amasya, 1392. Ce fut alors le tour de la dernière principauté seldjoukide, celle de Kastamouni, où régnait Bazeïd le Perclus. Il avait donné asile au prince fugitif d'Aïdin, Saroukan, Menteché. Il avait entretenu des intelligences avec le voyevode de Valachie. À l'approche du sultan, il mourut de saisissement. Son fils et héritier, Isfendiar, s'enferma dans Sinope. Alors, Katsamouni, Samsun, Héraclée, Amastris furent réunis à l'Empire Osmanli, 1393. Ces conquêtes, en rapprochant de l'Euphrate les frontières de cet empire, le faisaient courir au-devant du plus terrible danger. Dans les steppes de l'Asie s'était reformé, avec Timur, un nouvel empire mongol. Il comprenait déjà la Transoxiane, le Jagatai, presque tout l'Iran, les régions caucasiennes et russes, l'Hindoustan du Nord. Par la récente conquête de l'Arménie et de la Géorgie, il confinait à l'Empire turc. Timur et Bayezid, les deux fléaux de Dieu, étaient maintenant face à face. L'un, le pur turc des steppes, l'autre, l'Ousmanli, le turc métissé et dégénéré. Les occasions de conflit ne pouvaient manquer. Bayezid chassa Derdejan, le prince Taïtern, qui avait accepté l'investiture de Timur. Au camp de celui-ci accouraient en fugitif tous les princes déposés par Bayezid. Celui de Kermian, déguisé en montreur de singe. Celui de Menteché, méconnaissable sous une longue et épaisse chevelure. Celui d'Aïdin, qui avait fait sur la route le métier de danseur de cordes. À son tour, Bayezid accueillait des princes rebelles à Timur, comme le turcoman Kara Yusuf. Timur envoya au sultan des ambassadeurs avec une lettre menaçante. Bayezid les renvoya avec des paroles d'outrage. Timur, aussitôt, franchit les frontières de l'Empire Osmanli et emporta Sivas, une ville de 100 000 âmes, 1400. Il fit tuer tous les habitants, enterrer vifs les chrétiens, égorger Ertogroul, fils de Bayezid, que le sultan avait établi gouverneur de la place. Bayezid se hâta de repasser en Asie. Un jour, rencontrant un berger qui chantait en s'accompagnant du chalumeau, il lui cria « Chante-moi cette chanson. Il ne fallait pas laisser prendre Sivas et égorger ton fils. » Il ne trouva point Timur où il comptait le rencontrer. L'émir saccageait Malatia, faisait campagne contre le Soudan d'Égypte, lui enlevait ses places de Syrie, écrasait les Mamelouks près d'Alep, prenait et pillait la ville. 1400. Puis il conquérait Abbas, M, Baalbek, Héliopolis. Battait les Égyptiens sous Damas, qui fut prise et brûlée. 1401. La même année, il saccageait Bagdad. Alors il reparut dans le nord-ouest, prit le fort Osmanli de Koumark, rétablit Taherten dans Erzenjan, vint camper à Sivas. Là, il reçut de Bayezid le message le plus injurieux. Le sultan osait parler à Timur de son harem, le menaçant du triple divorce de ses femmes, injure suprême entre musulmans, et le sommant de comparaître devant lui. « Le fils de Mourad est fou !» s'écria le conquérant. Timur fut bientôt sous les murs d'Angora. Il l'assiégea pour attirer Bayezid dans la vaste plaine de Chibouk Ahad qui entoure la ville. Bayezid donna dans le piège, accourut pour sauver la place. 200 000 ou 300 000 Timouriens allaient se heurter à 120 000 Ottomans. Les 9 corps de l'armée de Timur étaient commandés par ses 4 fils et 5 de ses petits-fils. Sur le front de son armée, 32 éléphants ramenés de l'Inde. Les corps de l'armée ottomane étaient commandés par les 5 fils du sultan. Suleiman, avec les troupes d'Asie, à l'aile droite. Issa, Moussa, Mustapha, au centre, avec leur père. Mohamed, avec les troupes de réserve. L'aile gauche était formée par les Serbes, sous Lazar Vulkovic. Le 20 juillet 1402, vers 6 heures du matin, les deux armées s'ébranlèrent. Celle des Ottomans au cri d'Allah, celle des Mongols au cri de Suhrun. D'abord, on se battit bravement. À l'aile gauche des Osmanlis, les Serbes se distinguèrent au point de forcer l'admiration de Timur. « Ces pauvres se sont battus comme des lions !» s'écria-t-il. Tout à coup, à l'aile droite de Bayezid, les contingents seldjoukides de Saroukan, Menteche, Kermian, qui savaient leur prince dans l'autre armée, les mercenaires charesmiens, qui apercevaient les étendards de l'empereur de leur race, firent défection. Tout le poids de la bataille tomba sur Bayezid. Entouré de ses 3 fils et de ses janissaires, il combattit jusqu'au soir. Il essaya de fuir, mais trop tard. Une chute de son cheval le livra. Timur accueillit bien le vaincu, le fit asseoir à son côté, lui assigna pour demeure 3 tentes magnifiques, lui donna pour compagnon Moussa, le seul de ses fils qu'on eût pu retrouver. Après tout, Bayezid et Timur n'étaient-ils pas également des champions de l'orthodoxie musulmane? Il semble que Timur aurait, à la fin, consenti à renvoyer Bayezid dans ses états. Mais le captif mourut de chagrin. Au lendemain d'Angora, Timur ne s'acharna point contre l'Empire ottoman. Il se contenta de dépêcher à la poursuite des débris de l'armée vaincue son petit-fils Mohamed, qui prit et brûla Brousse, ravagea la Bithynie. Timur restaura les émirs seldjoukides. Sur l'Euphrate, il établit Karayuluk, fondateur de la dynastie turcomane du Mouton Blanc. Lui-même se dirigea sur Smyrne, qui depuis 57 ans appartenait aux chevaliers de Rhodes, la prit et la saccagea. Les Chinois de Fossé, Lesbos, Chios firent leur soumission. Puis l'orage se détourna sur l'est. C'est sur le chemin de la Chine que mourut Timur. 19 février 1405. Conséquence d'Angora, l'anarchie ottomane. Déjà, on avait vu les fils de Bayezid ramper devant le vainqueur de leur père. L'aîné Suleiman avait reçu de lui en fief les provinces turques d'Europe. Les 3 autres se disputaient ce qui restait aux Osmanlis de leurs provinces d'Asie. la bataille d'Angora prolongea de 50 ans l'existence de l'Empire grec. Pour la première fois, Manuel II respirait. Son premier soin fut de déposer son neveu Jean VII, le collègue imposé par Bayezid, d'expulser de Constantinople le cadi, l'imam et les résidents turcs, de démolir les mosquées. C'était à son tour de jouer entre les princes osmanlis, les opposant l'un à l'autre, le rôle que s'était arrogé Bayezid entre les princes paléologues. Souleyman, qui régnait à Andrinople, rechercha sa protection, lui remit en otage une de ses sœurs, épousa une des nièces de Manuel, restitua Thessalonique, une partie de la Macédoine et de l'Ionie. Son frère Moussa, qui lui succéda, reprit Thessalonique, mais en fut chassé par les Grecs. Sa flotte fut battue par la flotte impériale renaissante. Il échoua dans une attaque contre Constantinople. Manuel appela contre lui Mohammed, aida celui-ci à battre Moussa, qui fut pris et étranglé. Mohammed finit par rester seul sultan, mais dans un empire très affaibli. 1413-1421. Aussi, ce prince si brave, qui avait accompli en Asie des exploits légendaires, demeura-t-il l'allié, presque le protégé, de Manuel II, trouvant bon qu'il recueillit son frère révolté Mustapha, restituant de nouveaux territoires sur l'Euxin et la Propontide. Les provinces d'Asie ne lui donnaient que trop de soucis. Il avait à lutter là contre le prince de Kéramanie, contre les sectes religieuses, comme celle du juge Bedr el-Din, et du juif converti, Torlak ou Kemali, qui prêchait l'égalité absolue et le partage des biens, soulevant les pauvres, déchaînant la jacquerie des derviches. Mourad II, relèvement de l'Empire turc. Mohammed Ier désigna pour lui succéder son fils Mourad, alors en Asie. Mourad II, prince énergique et pieux, allait consacrer un règne de 30 années, 1421-1451, au relèvement de l'Empire. Son oncle, le grand cheikh Bokhari, lui ceignit le sable royal à Brousse. Contre Mourad, Manuel II suscita un de ses oncles, appelé Mustapha, qui, avec le secours des Grecs, mit le siège devant Gallipoli. Pour secourir la place, il fallut que Mourad accourût en personne. Alors son oncle fut battu, pris, pendu. Le sultan, voulant se venger des Grecs, vint camper sous Constantinople. Ce fut le quatrième siège de la ville par les armées ottomanes. Le grand cheikh Bokhari avait annoncé la prise de la ville pour le 24 août. Ce jour-là même, l'assaut fut donné. Mais au plus fort de l'action, l'apparition sur les remparts assiégés d'une femme miraculeuse en robe violette frappa de panique les Ottomans. C'était la Panagia, la Vierge. Chose singulière, les Turcs, même Bokhari, paraissent avoir cru, comme les Grecs, à la réalité du miracle. Il y avait déjà dans leur rang tant de chrétiens, mais là en croyances islamiques celles de leur premier culte. Le siège fut levé en désordre, 1422. Ce qui aida au miracle, c'est que Manuel II avait suscité en Asie un autre rival au sultan, un frère, également appelé Mustapha. Celui-ci eut d'abord des succès, enleva Nicée. Il finit comme son homonyme, 1424. La diversion n'en avait pas moins sauvé Byzance. Mourad Ier n'osa plus inquiéter les Grecs. Il s'entendait trop bien à fabriquer des prétendants. Manuel II mourut en 1425. Il laissait 6 fils. Jean VIII, déjà son collègue et maintenant son successeur. Andronique, qui avait été un moment prince de Thessalonique. Théodore, que nous avons vu installé par Manuel comme despotesse de Morée. Constantin Dragazès, Démétrios et Thomas, qui gouvernèrent ensuite ce même pays. Le Turc était redevenu si menaçant qu'un des premiers actes de Jean VIII fut de restituer au sultan plusieurs villes sur la mer Noire et de payer tribut, 1424. Au sud, Turakan Beg envahissait la Hélade. forçait le rempart de l'Hexamilion que le despotès Théodore défendit à peine. Il n'y eut de résistance que chez les colonies albanaises de Morée, à Tavia, à Gardiki. Elles furent anéanties. Et, à leur place, les Osmanlis élevèrent des pyramides de tête. Au nord, Firouz Beg bâtit et assujettit aux tribus Vlad de Valachie. 1423. Stefan Lazarevitch II de Serbie renouvela son hommage. Une trêve de 2 ans fut conclue avec Sigismond de Hongrie, 1424. 4 ans après, George Brankovic, un nouveau prince de Serbie, provoqua une courte guerre entre les Hongrois et les Turcs. Ceux-ci prirent Kolumbac, 1428, bâtirent sous ses murs le roi Sigismond, imposèrent à Brankovic un plus lourd tribut. En 1430, Mourad vint en personne enlever Thessalonique aux Vénitiens qu'il avait prise au prince grec Andronique. En 1431, les Turcs pénétrèrent en Albanie, conquirent celle du sud avec Arta et Janina sur les Tochi. 8 ans auparavant, Mourad avait contraint le principal dynaste du nord, Jean Castrillo, à lui livrer ses 4 fils, parmi lesquels Georges, le futur Skanderbeg. Il les fit circoncire. À la mort de Jean, 1431, il mit la main sur ses états. De 1438 à 1439, il dompte une nouvelle coalition des Hongrois, Serbes, Valaques, enlève 70 000 prisonniers en Hongrie, conquiert Semendria, Smederos, mais échoue devant Belgrade. Nouvelle guerre entre les chrétiens du Nord, la Morava, Varna. Plus sérieusement que jamais, les Hongrois et les Osmanlis, ces Turcs chrétiens et ces Turcs musulmans, sont aux prises. À la mort du vaillant Sigismond, 1438, à qui succède un roi de 16 ans, Vladislav de Pologne, 1440, pour le salut de la Hongrie se lève Jean Uniad, voïvode de Transylvanie, un héros de race roumaine, celui qu'on surnomma le Chevalier Blanc des Valaques. Ses premières campagnes sont foudroyantes. La chevalerie hongroise, les soudoyers transylvains, magyars, tchèques, allemands, prennent une éclatante revanche de Nicopolis. En 1442, sous Hermannstadt, puis à Vazag, il anéantit 2 armées ottomanes. En 1443, du pays hongrois, la guerre est transportée en Serbie. Le sultan en personne est battu sur la Morava, près de Niš, rejeté au-delà des Balkans. Pendant l'hiver, Uniad les franchit, tombe sur les campements des Turcs, les écrase à Jelovac. Mourad II est contraint de signer la trêve de Szegedin, qui lui enlève les marches de son empire, restituant à Brankovic toutes les places fortes de Serbie, à Vlad la Valachie. Ces 2 pays sont placés sous la suzeraineté hongroise. Le traité est conclu pour 10 ans, rédigé dans les 2 langues. Mourad en jure l'observation sur le Coran et le jeune roi Vladislav sur l'Évangile. Le sultan conçut de ces défaites et de cette paix un profond chagrin. Celui-ci fut encore aggravé par la mort de son fils aîné, Ala ed-Din. Mourad a toujours eu dans l'esprit une pointe de philosophie mélancolique, une grande piété, un peu de mysticisme. On comprend qu'il ait abdiqué, se soit retiré dans une sorte de couvent à Magnésie, une sorte d'abbaye de Thélème, où ses serviteurs des 2 sexes le suivirent. Il abandonnait le trône à ce second fils, Mohammed. Le futur conquérant n'avait que 14 ans. Son père lui donna comme principal conseiller le grand vizir Kalin. Les plénipotentiaires turcs venaient à peine de quitter le congrès de Szegedin que le cardinal Condolmieri, florentin, grand amiral et neveu du pape, y arrivait. Lui, le légat Julien Cesarini et les envoyés vénitiens et byzantins insistèrent pour qu'on reprît les armes. Le légat affirmait qu'on n'était point tenu d'observer la parole donnée à un infidèle. On triompha de la résistance de Uniad en lui promettant la couronne de Bulgarie. Toutefois, on convint d'attendre que les Turcs eussent opéré la remise des places de Serbie. La remise opérée, Hunyad envahit la Bulgarie avec 10 000 hommes et vint mettre le siège devant Varna. Vlad de Valachie, qui le rejoignit avec 5 000 hommes, s'étonna du petit nombre des croisés. « La suite de chasse du sultan est plus nombreuse, disait-il. » Pour commander cette petite armée, il y avait là, outre Jean Hunyad et Vlad, le roi Vladislav, le légat Cesarini, les évêques d'Erlo, de Varadin. Tout à coup, on apprend que Mourad a quitté son couvent d'Asie, qu'il a repassé en Europe, les Génois lui ont fourni les vaisseaux, qu'il est à la tête de 40 000 hommes et qu'il campe à 4 000 pas de l'armée assiégeante. En avant de son armée, Mourad faisait porter une lance à la pointe de laquelle était fixé le traité de Zégédine, violé par les chrétiens. La victoire des Ottomans fut complète. Parmi les morts étaient le roi de Hongrie, le légat du pape et les deux évêques. 1444. Mourad aurait pu tirer grand parti de la victoire. Il préféra retourner dans son abbaye. Une sédition des janissaires l'en rappela, 1445. Alors, comprenant que son fils était trop jeune pour tenir en main ces rudes éléments et ce rude empire, il décida de garder le pouvoir. Campagne de Morée. S'il ne fit pas payer à l'empereur grec ses excitations à la croisade, il s'en vengea du moins sur la Hélade. Deux des princes grecs de Morée, Constantin et Démétrios, avaient profité de la diversion hongroise pour chasser de Thèbes Nerio Acciuioli, tributaire du Sultan, et relever le mur de l'Hexamilion. Avec le contingent que lui amena l'Acciuioli, Mourad avait 60 000 hommes. Pendant 3 jours, il canonna l'Hexamilion, et le quatrième, un janissaire serbe, planta le premier, l'étendard, sur le faîte du rempart. La Morée fut alors inondée de hordes barbares. Corinthe fut prise et incendiée. De même, Patras, qui appartenait alors à Constantin Dragazès. Mais la citadelle résista, et le sultan dut se contenter d'imposer tribut aux princes grecs. 1446. Campagne en Albanie, Skanderbeg. Ce fils de Castrio, qui détenait à sa cour comme page ou écuyer le futur Skanderbeg, l'Alexandre de l'Albanie, avait, dans le désordre qui suivit les premières victoires de Hunyad, réussi à s'évader. Avant de partir, il avait surpris le secrétaire du sultan et, le poignard sur la gorge, l'avait forcé à lui signer un ordre enjoignant au commandement turc de Kroïa de lui rendre la place. Arrivé dans ces montagnes de l'émir d'ici, il se trouve à la tête de 600 guerriers. Il entre seul dans Kroïa, présente l'ordre au commandant qui lui remet les clés. Dans la nuit, il fait entrer ses hommes et égorger la garnison. Le gouvernement se propage dans les autres cantons. Il a bientôt 10 000 hommes. Il reconquiert en totalité son héritage. Il convoque à Alessio, Gesche, port de l'Adriatique, les dynastes de l'Épire. Tous l'acclament pour leur chef. Presque aussitôt, le vizir Ali Pacha accourt avec 40 000 hommes. Skanderbeg lui abandonne les gorges qui conduisent à Kroïa, mais ensuite enferme l'entrée, tient l'armée turque comme dans une souricière, l'extermine. 1443. Une courte guerre avec les Vénitiens, qui ont mis la main sur Daina, se termine par un traité qui fait d'eux les alliés et les bailleurs de fonds de Skanderbeg. Celui-ci alors se rejette sur une autre armée turque, celle du pacha Mustapha, et lui tue 10 000 hommes. Mourad II se porte lui-même en Albanie avec 100 000 hommes. Emporte Svetigrad et Dibra, mais son armée est décimée dans les gorges. Il laisse 20 000 cadavres. 1447. Le sultan reparaît en 1449. En avril, il investit Kroïa. Il fait fondre sur place les canons qui écraseront la forteresse. Mais lui-même est presque assiégé par Skanderbeg, qui manœuvre sur les hauteurs. La fortune des Ottomans risquait de s'engloutir dans les ravins de l'émir d'ici. Mourad le comprend. D'abord, il offre la paix à son ancien page, à la condition qu'il reconnaîtra sa souveraineté et paiera tribut. Celui-ci refuse. Alors, Mourad se hâte d'emmener son armée. Encore est-elle harcelée, décimée, dans la retraite. Deuxième bataille de Kosovo. Dans l'intervalle, Jean Hunyad avait envahi la Serbie à la tête de 25 000 hommes, dont 8 000 Valaques, 2 000 arquebusiers d'Allemagne et de Bohême, le reste en contingent magyar, Zleklers, Transylvain. Il comptait sur l'appui des Albanais et des Serbes. Or, le sultan occupait les premiers en Albanie même, et son mariage avec Mara de Serbie, fille de Branković, avait resserré son alliance avec ce voïvode. Mourad II amenait 50 000 hommes. Le 17 octobre 1448, on se rencontra dans la plaine fameuse de Kosovo. La bataille dura 3 jours. Les arquebuses d'Occident eurent d'abord l'avantage. Le lendemain, l'aile droite des chrétiens fut tournée par Turakan. Les Valaques, dont le voïvode Dan traitait secrètement avec Mourad, firent défection. Le 19, le camp de Hunyad fut forcé. L'armée chrétienne était totalement détruite. 17 000 hommes tués. Mais la victoire avait coûté aux Ottomans 40 000 hommes. La succession byzantine, Constantin Dragazès. Les divisions des princes paléologues rendaient le sultan l'arbitre des querelles de succession. Jean VIII étant mort en 1448, trois de ses frères, Démétrios, Thomas et Constantin Dragazès, se disputaient le trône. Ils rivalisèrent d'empressement auprès de Mourad, qu'ils traitaient maintenant en suzerain des pays grecs. Il se prononça pour Constantin. Ce fut heureux pour l'Empire. Il ne pouvait plus être sauvé. Mais le choix que venait de faire le sultan devait lui permettre de tomber avec quelque gloire. Dragazès comprenait si bien le malheur des temps que, par économie, il n'y eut pas de couronnement. Aussi, l'historien Doukas appelle-t-il Jean VIII le dernier empereur. Pour lui, Constantin XI n'est qu'un despotesse. Après avoir ainsi pacifié la péninsule et disposé de la sainte couronne de Constantin le Grand, Mourad II mourut d'apoplexie, 5 février 1451. Ce fut le plus humain et le meilleur de tous ces princes ossements lisses. Les écrivains byzantins rendent témoignage de ses vertus. Aussi brave qu'aucun des sultans ossements lisses, il s'était toujours montré clément pour les vaincus. Il fut un ami des arts, grand bâtisseur de mosquées, de palais, de ponts, d'hospices, d'écoles. Fin de la section 72.